Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa'akhadna fi darsina al-akhir fi sharhi asma'illahi azza wa jal ismain. Ism ar-Rahman wa ism ar-Rahim. Famadha qulna? C'est qui peut résumer الدرس السابق اسمان من أسماء الله عز وجل أنه تعالى ذو العظيمة ذو الرحمة نعم الرحمن الرحيم أي الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة أي سيدنو يمونتر أن من أوصافه جل وعلا الرحمة فهو رحمن رحيم واستفدنا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه من فائدة في الجمع بين هذين الاسمين عند من تفضل إذا اجتمع هذين الاسمين في نص المعنى مختلفة نعم وإذا أفرد أحدهما فالمعنى للرحمن هو نعم عز وجل موصف بالرحمة وإذا انفرد أحد الاسمين فماذا تعدي إذا اجتمع فتفرق في المعنى S'ils sont cités les deux dans un nas, chaque nom il a une ma'na, il a un sens. Wa idha iftaraqa Na'am yashmal ma'na ar-Rahman yashmal ism ar-Rahim. Wa hakadha ma'na ar-Rahim yashmal ism ar-Rahman. Ay idha dhukira أحد هذين الاسمين وحده فإذا اجتمع افترق زد إذا اجتمع معنى مختلفة فالاسم الرحمن معنى أن عز وجل موصوف بصفة الرحمة باسم الرحيم استفدنا أن عز وجل يرحم يعني بالفعل اسم الرحمن أي أنه متصف بصفة الرحمة صفة ذاتية واسم الرحيم أي سلفعل أنه سبحانه يرحم من يشاء والرحمة نوعان الرحمة نوعان عند من تفضل رحمة عامة وهي نعم أي أن الله عز وجل يرحم جميع المخلوقين المؤمن والكافر الجن والإنس الحيوانات etc. الله سبحانه وتعالى يرحم الجميع النوع الثاني هو بيان هنا تفضل رحمة خاصة وهي خاصة بالمؤمنين يعني بيستي كذلك بعض الآثار أي الإيمان بهذا الاسم أو بهذين الاسمين. C'est qui peut résumer. On a cité quoi comme آثار تفضل. أنا أحسنت عدم القنوط من رحمة الله عز وجل كذلك. نعم زيد. عبودية باربوبية. عبودية الرجاء. نعم. ما معنى عبودية الرجاء؟ نرجع إلى الله عز وجل. لا، الرجاء سبب الرجوع. ما معنى الرجاء هنا؟ لن يأس من نعم، نرجو الله سبحانه وتعالى، نرجو من الله عز وجل أن يرحمنا. فهذا الرجاء أي أونسبير. كما قلت أن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله عز وجل. Et d'autres choses, l'istighfar ou le dua, كذلك faire les asbab pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala et nous pardonne. Tfaddal. تذكر الكلام تفضل الرحمن نوعان اضافه المفعول الى الفاعل واضافه Qui c'est qui explique au frère? Faddal. Naam. Ahsant. Ar-Rahma, dans les Nusus, tu en as deux catégories. Une Rahma qui est créée. Tu as un exemple? Al-Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال anti rahmati. Il y a une idafa. Tu as étudié an-nahu ma'ana. Rahmati, il y a une idafa. Ay rahmatullah. هذه الإضافة رحمة الله أي ست رحمة كي appartient à الله سي إضافة مخلوق إلى خالق comme quand on dit بيت الله on dit عبد الله c'est une إضافة ce عبد il appartient à الله est-ce que ce عبد il est créé نعم مفهوم النوع الثاني نعم ما هي إضافة أحسنت إضافة صفة إلى موصوف كمثال في القرآن وفي السنة الرحمن له صفة الرحمة لماذا؟ لأن اسم الرحمن on a étudié ensemble le Qa'il Mutla chaque اسم il englobe une صفة الرحمن صفة الرحمة qui c'est qui a un autre dalil t'adkour نعم رحم الرحيمين et d'autres نعم فهذه صفة إلى موصوف صفة إلى موصوف أي ست رحمة الله عز وجل c'est une صفة c'est une صفة de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et ça c'est important, on a cité les mazal, et anna hatta la ahad yaqul, comment Allah subhanahu wa ta'ala qala anti rahmati, alors que le jannah elle est créé. Et nous on sait que les attributs d'Allah ils n'ont pas créé. Si tu connais ce taqsim, il n'y a plus d'ishkal. Anna al-rahma, il y a deux catégories. Une rahma qu'Allah il a créé, Allah il a créé sans rahma. Et il a fait descendre une fil ard. C'est cette miséricorde que al-ibad, ils ont entre eux, la mère avec son fils, il a akhri. Et 99, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réservés pour yawm al-qiyam. Ça, c'est ar-rahmat al-makhlouqa. Et dans d'autres textes, tu as ar-rahman en tant que sifa. Ar-rahman et d'autres adillah. An Allah azza wa jalla lahu sifatu ar-rahma va hadi ala al-taqsim al-sabiq. Mafhoum? Qala rahimahullah. Ar-razzaqu. Hada ismun. من أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة الجليلة اسم الرزاق والأدلة كثيرة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله سبحانه وتعالى سي الرزاق من أسمائه الرزاق كذلك on peut rajouter ici اسم الرازق اسم الرازق c'est la même معنى الرزاق على الصفة على صيغة مبالغة فعال أي سامونتر أن الله عز وجل متصف بصفة الرزق يرزق من يشاء رزقه إلى كثير c'est ça quand العلماء disent صيغة مبالغة ça montre que مثلا dans notre exemple أن الله سي الرزاق أن الله il donne beaucoup sans compter à qui il veut c'est pour ça qu'en arabe tu as هذه الأوزان ces formulations الرزاق القهار فعال لما يريد وهكذا تسي الفاظ قناستيس على وزن فعال أما الدليل على اسم الرازق فقوله عز وجل والله خير الرازقين من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر فقبل هذا الحديث تقدم معنا page 39 de notre kitab تقدم معنا quand on a expliqué les noms d'Allah عز وجل القابض et الباسط فdans ce hadith c'est cité كذلك الرازق فالرازق c'est من أسماء الله سبحانه وتعالى et on avait déjà نبه كما نبه بعض أهل العلم أن الصفة que tu comprends de ces deux noms, Ar-Razzaq et Ar-Razzaq, c'est Sifat Ar-Razq, Bifathi Ar-Ra. Amma Bikasriha, Ar-Rizq, c'est les subsistances qu'on a, comme nourriture, boisson, ça c'est du rizq, min rizqillah. Amma Ar-Sifa, c'est Ar-Razq, bi Al-Fath. Kama nabbaha ala dhalik, Al-Allamatu Al-Sheikh Khalil, Al-Harras, Rahmatullah alayhi, wa ghayruhu min Ahli Al-Ilm. قال رحمه الله الرزاق لجميع المخلوقات، فما من موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه. Tout ce que les ibad ils ont et ils possèdent, c'est min rizq Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé هذا الرزق, il le donne à qui il veut. Et on verra, le rizq il est نوعان, et on détaillera. أو il a cité الآن. قال ورزقه نوعان. قال تعالى إن الله هو الرزاق. وقال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا الدليل على ما تقدم أن الله هو الرزاق. Donc tout ce que les gens ils ont comme risque c'est min Allah, لأن الله عز وجل c'est الرزاق أي وحده. Il n'a pas d'associé في هذا سبحانه. Et قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فإلي واضح. وما من دابة أي ما يدب على الأرض، أي ما يمشي على الأرض، أو ما هو فوق الأرض من مخلوقات الله عز وجل، كسوا les êtres humains، كسوا الجن، كسوا les animaux. فهؤلاء كلهم c'est الله سبحانه وتعالى qui leur donne الرزق. قال أحدهما donc رزقه عز وجل نوعان. Le رزق d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne traduira pas هذا اللفظ الرزق, il traduit par la subsistance, est-ce que Allah il donne, c'est de deux catégories. أحدهما الرزق النافع الذي لا تبعة فيه وهو موصل للعبد إلى أعلى الغايات وهو الذي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايته وإرشاده. هذا الرزق c'est exactement comme on avait détaillé dans الرحمه ان الرحمه de deux catégories خاصه et عامه الهدايه كذلك عامه وخاصه et beaucoup de معاني on avait expliqué كذلك نعم الله سبحانه وتعالى عامه وخاصه c'est la même chose هنا ان الرزق de deux catégories là c'était la première catégorie et c'est الرزق الخاص قوله أحدهما أي الرزق الخاص. C'est quoi c'est الرزق النافع الذي لا تبعة فيه وهو موصل للعبد إلى أعلى الغاية. هذا الرزق c'est avec ce رزق que الله سبحانه وتعالى il élève qui il veut. أما l'autre رزق on verra الرزق العام le fait de manger, boire. En Allah Azza wa Jalla, il donne de l'argent à un tel, il donne des enfants à un tel. هذا في الحقيقة. Tous les êtres humains, ils en profitent. Ou la plupart des êtres humains, ils en profitent. Ou certains, ils en profitent plus que d'autres. Lakin, ce n'est pas avec ça que l'insan, il sera élevé. Là, le risque, qui est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime et il nous élève, c'est هذا الرزق. أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا رزق عظيم. أي العلم النافع والهدى القرآن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو الذي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايته وإرشاده. C'est exactement comme الهداية. هداية عامة خاصة. من الهداية الخاصة هداية العلم والبيان والإرشاد هذه للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من العلماء. قال وهو نوعان سويبي هذا الرزق الخاص il est de deux catégories كذلك. On n'est pas dans la deuxième catégorie العام, on est toujours dans le خاص. فالخاص il se divise lui-même en deux catégories. قال وهو نوعان أيضا رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح فإن القلوب لا تصلح وتفلح ولا تشبع حتى يحصل لها العلم بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة. هذا أعظم الأرزاق. C'est le rizq le plus important. Rizq القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح. Et c'est ce rizq qu'on doit chercher. Et nos efforts, on doit les placer dans la recherche de cette subsistance, هذا الرزق العظيم. للأسف, on vit à une époque أن كثيرا من الناس يطلبون الرزق, لكن leurs efforts c'est que dans le rizq qui est lié au ventre et aux poches, tout ce qui est lié à dunya, et ça c'est matloub. On va voir que c'est le rizq al khas et talab al halal. Ça c'est muhim jiddan. Un insan il fait des efforts fi hada, lakin sans négliger la première catégorie du rizq al khas, et ce que tu as besoin pour ton cœur. L'insan il a besoin de manger, de boire, de travailler pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Il a akhri hada, c'est muhim. C'est une ibada azima, talabul halal. الرزق الحلال وأعظم من ذلك هذا الرزق لأن comme ton cœur il a besoin, fait ton cœur, comme ton ventre il a besoin, ton cœur il a besoin كذلك. Le ventre il a besoin de الغذاء, de nourriture, de boisson إلى آخر. Ton cœur كذلك il a besoin de un غذاء نافع عظيم, c'est العلم et c'est الإيمان et c'est العقيدة الصحيحة. Celui qui néglige هذا الرزق ربما son cœur il mourra. Comme celui qui néglige un risque qui est lié au corps, al badan, la nourriture, boisson, son corps il mourra. Celui qui mange pas, qui boit pas, qui fait aucun effort, il mourra. فهكذا celui qui délaisse son cœur. فنستفيد من هذا أن on néglige pas. On néglige pas ce point. Et comme on a dit précédemment, on vit à une époque أن كثيرا من الناس ils pensent qu'au deuxième risque. Et ils appuient beaucoup sur hada. Il faut travailler, il faut faire. Et hada, c'est sahih, il faut faire les causes. Mais il ne faut pas oublier de faire les causes pour quelque chose encore de plus important. Hey, ton cœur. Hada, le risque, c'est quoi? C'est l'ilm nafi'. C'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, le risque. Si on dit que huna, c'est le Coran, il n'est pas créé. Le Coran, c'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la révélation d'Allah Azza wa Jal. كذلك العلوم النافعة. Les sciences utiles pour l'abd. كذلك l'apprentissage de la aqida. C'est un risque azim. قال فإن القلوب لا تصلح ولا تفلح ولا تشبع حتى يحصل لها العلم بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة. تأمل قوله ولا تشبع. فكذلك القلب يجوع ويشبع. القلب le cœur كذلك il a faim et كذلك il est متصف بهذه الأوصاف. Le négliger, le délaisser sans le nourrir بالعلم, avec la science, avec l'apprentissage, هذا القلب ربما يموت. Même si cet être humain il est vivant, son cœur il mourra. Et تأمل حال الكفار, vu qu'ils pensent qu'à leur ventre, iyadam billah. Ils pensent qu'à manger, qu'à boire, ils font des efforts que fi hada, et ils ont délaissé rizq al-a'zam, bel ils le combattent. Ata'ammal halahum. Leur cœur il est mort, même s'ils marchent, même si leur corps il est en vie, leur cœur mayyit, et ça les pousse à toutes les mauvaises choses. Yawm al-qiyama, ils auront des comptes à rendre. Et on rendra tous des comptes. فلهذا العناية بهذا القلب من أهم ما يكون للعبد. قال ثم التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة وما جاء به الرسول كفيل بالأمرين على أكمل وجه بلا طريق على أكمل وجه بلا طريق لها إلا من طريقه. هذا كلام عظيم. كذلك, هذا العلم, il faut le mettre en application. Et celui qui nourrit ce cœur, ce cœur, بإذن الله عز وجل, ça va être la cause pour que tous les membres يعبدون الله سبحانه وتعالى. كما قال عليه الصلاة والسلام, إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. La solution pour que on puisse adorer Allah سبحانه وتعالى avec nos membres, toutes les ibadat, avec les membres, as-salat, az-zakat, wal-jihad, wal-hajj, wal-hijra, etc., c'est de nourrir, awalan, de s'occuper du asl. La base, c'est le cœur. Ils se posent la question, pourquoi ils n'arrivent pas à faire telle chose? Ou pourquoi un tel il fait des efforts dans telle adoration et moi je n'arrive pas? C'est le cœur. Occupe-toi de ton cœur et t'arriveras. فلهذا قال رحمه الله ولا طريق لها إلا من طريقه. Ça c'est une autre faïda. Le seul moyen d'acquérir هذا الرزق et d'en profiter, c'est en suivant un Nabi عليه الصلاة والسلام. Ma part de nas, ils essayent de nourrir ce cœur avec du ilm. Là, c'est un ilm qui n'est pas nafi, qui n'est pas profitable. Pardon, ils ont nourri leur cœur avec al-ta'til, ta'til al-sifat. C'est devenu des mu'tazila, des asha'ira ou des jahmiya, ayyadan billah. Pardon, ils ont nourri leur cœur avec ilm al-rafd wa al-tashayyu'. Ce cœur, il déteste les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est des égarés. Pardon, ils ont nourri ce cœur avec des khurafat, des bid'a. En suivant des turuq, min turuq al-tasawuf, et ils se sont égarés, des mubtadi'a. La seule voie pour réussir, c'est de suivre un Nabi alayhi salatu salam. Donner de l'importance au Coran et à la Sunna, apprendre sa croyance et mettre en application. Qala wa al-naw'u al-thani. Al-naw'u al-thani min maada. Tu as trouvé? أحسنت من الرزق الخاص. أما ستجي النوع الثاني من رزق الله ça veut dire qu'on a fini الخاص et on passe au عام. Là, on est toujours في الخاص. Le premier, c'était quoi? الرزق بالإيمان والقلوب. رزق القلوب. C'est une subsistance qui est spécifique au cœur. C'est quoi cette subsistance? العلم النافع. العلم النافع bien sûr comme conséquence ça aura الهداية. Après avoir cité la première sous-catégorie du rizq al-khas et la subsistance spécifique pour le cœur, la deuxième sous-catégorie qala an yughnillahu 'abdahu bihalalihi 'an haramihi wa bifadlihi 'amman siwa. Ça c'est rizq, rizq al-abdan bil halal. Ce rizq, cette subsistance, ça sera pour ton corps. Et vu que c'est le khas, c'est le rizq al-halal. Et هذا كذلك il est matloub. L'insan il fait des efforts pour travailler, pour ne pas tendre la main aux autres. Et il fait des causes. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le razzaq. C'est lui qui donne, lakin il a ordonné ses ibad de faire des causes. Que ce soit pour se soigner, que ce soit pour manger, que ce soit pour se vêtir, que ce soit pour avoir un foyer. L'insan il doit faire des causes. Ces causes, cette recherche, c'est une recherche de هذا الرزق أي رزق الأبدان بالحلال. قال رحمه الله والأول ما تفضل أحسنت رزق القلوب والأول هو المقصود الأعظم وهذا أي الثاني رزق الأبدان بالحلال. قال والثاني وهذا وسيلة إليه ومعين له. كلام متين. والأول أي رزق القلوب c'est le maqsoud, c'est ça l'objectif. Ça doit être l'objectif de chacun de nous d'apprendre son din, d'apprendre sa croyance pour aimer Allah Azza wa Jalla et pour l'adorer. وهذا وسيلة إليه. Le deuxième أي le fait de faire des efforts pour avoir un rizq al-halal pour notre corps. في الحقيقة c'est une wasila. أي c'est une chose qui va nous aider à rechercher le premier rizq, أي notre cœur. Enfin, si on travaille, si on fait des efforts في طلب الرزق, que ce soit le commerce, que ce soit beaucoup de choses, fait الحقيقه, normalement, ça doit être pour pouvoir faire des efforts pour rechercher الرزق الأعظم الأنفع, أي par rapport à notre cœur. Enfin, celui qui travaille, Allah سبحانه وتعالى فتح عليه. بأموال وأرزاق إلى آخره ثم il ne fait aucun effort pour apprendre son din et pour soigner ce cœur et purifier ce cœur. فالحقيقة c'est un manque de شكر et ça montre l'ignorance de cette personne. Au plus grave الإعراض أنه il sait لكن il se détourne. Et هذا فالحقيقة c'est من كفر النعم Léanna, si tu reconnais Allah Azza wa Jal, celui qui t'a donné ce corps, celui qui t'a donné la santé, celui qui te pourvoit avec des nourritures, boissons et autres, enfin, normalement tu dois être reconnaissant. Tu dois chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Et ce cœur, il va se remplir de iman et ça va t'aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wal awwal huwa al maqsoud al a'zam wa hadha wasilatun ilayhi wa mu'inun lah. فإذا رزق الله العبد العلم النافع والإيمان الصحيح والرزق الحلال والقناعة بما أعطاه الله منه فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والبدنية. Et ça c'est la plus grande ni'ma. Si Allah subhanahu wa ta'ala il te donne هذا الرزق, أي le premier رزق القلوب, أي العلم et الإيمان الصحيح, une bonne croyance. Et avec cela, risq al-halal wal qana'a, risq al-halal, et tu as où dormir, tu as de quoi manger, tu as de quoi boire, tu as de quoi te vêtir. Et une autre sifa, azima, Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui veut, al-qana'a, n'a qu'à tu te suffis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, فهذا تمت أموره واستقامت أحواله. هذا il sera في نعمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. Il n'aura plus besoin d'autre chose. Il sera satisfait et il fera des efforts vu que c'est Allah qui lui a donné les deux risques, celui du corps et celui du cœur. Là, il n'a plus qu'à faire des efforts pour être reconnaissant et il attend la mort. Il attend la mort pour avoir la récompense, l'énorme récompense dans sa tombe et dans l'au-delà. قال وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية النافعة. أي هذا النوع, أي سانغلوب لي دو, سانغلوب رزق القلوب ورزق الأبدان بالحلال. Et ces deux, c'est quoi? C'est الرزق الخاص, أي que الله سبحانه وتعالى il aime et il donne à ses serviteurs les croyants. Les kuffar, ils ont aucune part في هذا. Et في الحقيقة, celui qui connaît le sens de ce nom, Ar-Razzaq ou Ar-Raziq, avec cette explication de Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, sa vie, elle sera pas comme celle des autres. Il aura un objectif azim. Il vivra pas comme un animal, ayyadun billah. Il pense qu'à ramasser de l'argent, qu'à manger, qu'à boire, et ça s'arrête là. La shukr wa la ibada wa la ilm wa la amal. Pas de reconnaissance, pas de recherche de la science, pas de mise en application. Ba'dhum c'est hada. Et les SF, le ba'd, ils pensent qu'ils sont à la khayr. Vous avez déjà entendu. Anna ba'd an-nas yaqulun alhamdulillah, je travaille, je fais de mal à personne, je vole pas, je suis pas injuste, et ils pensent que ça suffit. Ça suffit pas hada. Les animaux kadhalik, ils mangent, ils boivent, ils ne volent pas, ils font pas de mal aux autres en général. C'est pas ça qui va être la cause de ton bonheur. في الدنيا وفي الآخرة. لا, الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الرزق الله سبحانه وتعالى t'a donné et que tu fais des efforts et t'es pas injuste, tu voles pas, هذا صطيب, لكن n'oublie pas d'être reconnaissant أولا et قبل ذلك de faire des efforts في الرزق الأنفع والأعظم. C'est une obligation pour tout le monde. طلبوا هذا الرزق العظيم, أي le رزق du cœur, la science et la foi, la croyance authentique, c'est wajib pour tout le monde. قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. Et طلب العلم c'est quoi? C'est طلب هذا الرزق. قال الشيخ سعدي, on répète, رزق القلوب بالعلوم. Donc هذا c'est une obligation pour tout le monde. لكن بعض الناس ils vivent كأنهم ils vont pas avoir de compte à rendre, يدن بالله. كأنهم ils sont focalisés que sur le dunya. Je travaille, il fait une famille, il fonde une famille, et il travaille, il essaie de pas faire de mal aux autres, il pense qu'il a réussi, il pense que c'est ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Nous, on est des mu'minoun. On doit préparer après la mort, la tombe, l'au-delà, il a akhiré. Ala kulli hal, hadha al-kalam fil haqiqa, il nous montre comment vivre. Tu dois faire des efforts pour nourrir ton cœur, tu dois faire des efforts pour nourrir ton corps, Tout ça, bien sûr, fil halal. Ton cœur avec l'ilm nafi', l'ilm shar'i, le Coran ou le sunnah. Ton corps avec le halal. Et tu fais des efforts pour être reconnaissant par rapport au risque que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et kadhalik, tu fais des efforts pour mettre en application l'ilm. Et bi'idhnillahi azza wa jal, t'auras une vie tayyib. Et autre que cela, ça fait que du mal. Qawluhu. وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية النافعة. نعم هذا الرزق كي ممدوح كي طيب كالله سبحانه وتعالى إلم أي رزق القلوب العلم النافع والمعتقد الصحيح la science utile et la croyance authentique et كذلك طلبوا الرزق الحلال. Faire des efforts pour rechercher hadar risq al-halal. Et c'est hadar risq qui est cité fi ba'd al-ad'iyya. Dans certaines invocations que le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné, c'est hadar risq. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam comme hadith Umm Salama radiyallahu anha kana yaqul fi kulli sabah après salat al-subh alayhi salatu salam اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. تأمل هذا الحديث. Prophète صلى الله عليه وسلم يدمضي هذا. اللهم إني أسألك علما نافعا. Ça c'est رزق القلوب. C'est pour ça que quand les deux ils sont cités en général, رزق القلوب il sera cité par son nom, العلم. اللهم إني أسألك علما نافعا. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par hada, et le cœur. C'est ça le plus important. Thumma qal wa amalan mutaqabbalan, c'est le fruit de hada al-ilm. C'est la conséquence de ce risque. Si Allah t'a donné hada al-risq al-azim, la science, la croyance authentique, tu dois mettre en application. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé les deux. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan. Thumma qal alayhi sallallahu alayhi wa sallam, wa rizqan tayyiba. Wa rizqan طيبة أي رزق الأبدان أي الله دلما رزق طيب أي من الحلال دي الشوز يتل كي فون اتر بروفيتابل بور هذا المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في كل صباح من أذكار الصباح. والشيخ الألباني رحمة الله عليه لا صحح الحديث اللي في سنن ابن ماجة أيضا دوتخ مصادر. على كل حال تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يديز سا شاك ماتن. لماذا؟ لأن لتر هومان جينيرال quand il se lève le matin, il doit aller rechercher un risque. Imma, risque le qulub, c'est un talib ilm, mathalan. Il va se lever tôt, et il a un programme, hifd wa muraja'a. Si c'est un mudarris, il doit préparer le cours. Si c'est un imam, il, mathalan, on est le vendredi, ou autre, il va préparer la khutbah. Muhim, mushtaghilun bil ilm al-nafi'. Ou, une autre catégorie, min al-muslimi, et c'est les plus nombreux, أنهم يسلف le matin pour aller rechercher هذا الرزق العظيم رزق الأبنان الأبدان أي تخافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم chaque matin il disait هذا. لماذا؟ لأن الرزاق c'est Allah سبحانه وتعالى. Et هذا العلم que tu vas rechercher c'est بتوفيق الله. Si Allah te facilite tu y arriveras. هكذا رزق الأبنان أبدان c'est بتوفيق الله. Si Allah te facilite tu y arriveras. Et كذلك tu demandes البركة. C'est pour ça que قال عليه الصلاة والسلام علما نافعا pas n'importe quel علم. بعض الناس ils ont du علم il est pas نافع il mémorise فقط. Il y a aucun fruit, il y a aucune ثمرة, il y a aucun أثر sur eux. نحن demande العلم النافع القرآن والسنة et كذلك العمل صالح pas n'importe quel عمل. بعض الناس ils font du عمل, ils se lèvent le matin, ils font des أذكار مبتدعة, ils commencent par des بدعة, c'est pas accepté عند الله. نحن demande عمل صالح. كذلك الرزق بعض الناس يفون des efforts pour الرزق لكن c'est un risque حرام. إما il est حرام lui-même عيادا بالله et on verra c'est la deuxième catégorie ou c'est un risque حلال لكن la façon de le rechercher est حرام. Il travaille dans la mixité, il travaille, il fait pas salat, il travaille dans le halal لكن il fait des ma'asi ou ce travail ça le pousse à faire des mauvaises choses. Il a نحن دمض الله سبحانه وتعالى الرزق الطيب النافع pour nous في الدنيا et في الآخرة. Et d'autres أدعية qu'on peut pas citer هنا لضيق الوقت. ثم قال رحمه الله وأما النوع الثاني وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذى بها المخلوقات التي تتغذى نعم هنا هنا هي الذي يظهر سك نعم التي تتغذي بها تتغذى نعم قال المخلوقات برها وفاجرها المكلفون وغيرهم برها وفاجرها سانغلوب المؤمنين والكافرين المكلفون سانغلوب الجن والإنس وغيرهم كذلك للزانيمو هذا الرزق إلي pour tout le monde رزق عام la nourriture, la boisson إلى آخر قال فهذا قد يكون من الحرام كما يكون من الحلال هذا يبوت من الحرام يبوت من الحلال قال وهذا فصل النزاع في مسألة أو في مسألة هل الحرام يسمى رزقا أم لا فإن أريد النوع الأول وهو الرزق المطلق الذي لا تبعة فيه فلا يدخل فيه الحرام فإن العبد إذا سأل ربه أن يرزقه فلا يزيد به إلا الرزق النافع أو فلا يريد به إلا الرزق النافع في الدين والبدن وهو النوع الأول وإن أريد به مطلق الرزق أي العام وهو النوع الثاني فهو داخل فيه فما من دابة في أعلى الأرض إلا على الله رزقها ومثل هذا يقال في النعمة والرحمة ونحوها على كل حال هذه المسألة معروفة النوع الثاني donc c'est un risque que Allah سبحانه وتعالى il donne à tout le monde les croyants ou ceux qui ne croient pas من الكافرين والمشركين donc on peut se poser une question هنا et beaucoup de gens ils se la posent est-ce que le haram c'est من رزق الله مثلا ce kafir il fait du haram مثلا il vend de l'alcool et il a de l'argent haram est-ce que ça c'est من رزق الله tout ce haram Il y a un tafsil. Si l'insan il vise un risque, un nou'u l'awwal, fahada c'est que le halal. On dit, hada c'est pas min risque Allahi Azza wa Jal, al-khas, le spécifique. La première catégorie qu'on a étudiée ensemble. Et si al-murad c'est un risque l'am, fahada je sais que c'est min risque Allah. Qui c'est qui a créé l'alcool? Qui c'est qui a créé ce kafir? C'est Allah Azza wa Jal. فلا شك أن هذا الرزق من رزق الله فرزق الله العام سانغلوب الحلال والحرام une autre question que بعض الناس se pose si c'est haram pourquoi Allah سبحانه وتعالى رزقه si c'est haram pourquoi Allah رزقه on dit Allah سبحانه وتعالى c'est le حكيم Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé cette chose et c'est من رزقه les nations disent que c'est pas من رزق الله ça veut dire qu'il y a un autre رزق il y a un autre créateur et هذا c'est très très grave لكن Allah عز وجل a créé ces choses et c'est une fitna pour les gens مثلا l'alcool c'est haram الخمر c'est haram qui c'est qui l'a créé c'est Allah عز وجل et بعض الناس c'est devenu leur source de رزق ils gagnent de l'argent ils travaillent في هذا et c'est une fitna est-ce que tu vas t'écarter de cette chose ام لا وإلا فلا شك أن الرزاق الخالق الله سبحانه وتعالى فهذا معنى كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه هذا سيكون هنا expliqué في دروس العقيدة الخير والشر dans le destin est-ce que Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui a décrété le bien et le mal le bien on est tous d'accord il n'y a aucun problème le mal بعض الناس ils ont du mal à comprendre si c'est du mal pourquoi Allah il l'a décrété si on dit que c'est pas Allah qui l'a décrété c'est très très grave ça veut dire que il y a une créature qui décrète et le décret s'englobe l'ilm ou l'khalq ça veut dire qu'il y a un autre créateur autre qu'Allah qui c'est qui a créé le mal si c'est pas Allah Allah c'est le créateur de toutes choses ثم la deuxième question qui revient d'Aiman si c'est du mal pourquoi Allah il l'a créé Allah il l'a créé les hikmah azim Iblis c'est rasu shar c'est la tête du mal Qui c'est qui l'a créé? C'est Allah. Si on dit là, Allah, il n'a pas créé le shirk, enfin, qui c'est qui a créé Iblis? Ça veut dire qu'il y a un autre créateur, Iyadam Billah. Là, hada, c'est lié à un autre nom et qu'on a étudié ensemble, Ism al-Hakim. Tout ce que fait Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est bi-hikmah. Enfin, Allah, c'est Razzaq. C'est lui qui donne à tout ce que les gens ils possèdent, c'est min Allah. Si c'est du mal, ou si c'est du shirk, ou si c'est du haram, Allah, il a une hikmah. Et nous, en tant qu'être humain, on doit s'écarter. Wa mithla hadha yuqal fi an-ni'ma wa ar-rahma ay al-khass wa al-'am. Et هذا التقسيم il reviendra souvent معكم dans beaucoup de مسائل. تقسيم خاص وعام et الحمد لله c'est compris. الخاص c'est que pour les croyants, العام c'est pour tout le monde. هكذا في النعمة, هكذا في الرحمة, وهكذا في الرزق. من ثمرات هذا الاسم ينكلو بهذا أي من آثار الإيمان بهذين الاسمين الرزاق والرازق محبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى سلوي كدن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم كثيرة من رزق الله عز وجل que ça soit pour ton cœur, est-ce que tu connais. Et Allah t'a facilité la croyance authentique et shaymin al-in. Et كذلك رزق الأبدان. Tu manges, tu bois. هذا ستنو pousser à aimer Allah عز وجل. كذلك شكره سبحانه. Vu que c'est Allah الرزاق, فنحن on doit être reconnaissant. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et celui qui est reconnaissant, Allah سبحانه وتعالى lui rajoutera min رزقه. Que ce soit رزق القلوب أو رزق الأبدان. Que ce soit par rapport à ton cœur ou ton corps. Allah il te rajoutera. كذلك من الثمرات العظيمة التوكل على الله. Vu que c'est Allah الرزاق seul, فتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. Allah il te suffit si tu places ta confiance en lui. سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا شك أن التوكل من التقوى. Placer sa confiance en Allah, ça fait partie de taqwa, ça fait partie de la crainte. Ça fait partie de la crainte. Et هذا c'est mauvais جدا. On peut citer un exemple. Si tu travailles et dans ce travail il y a du haram ou dans ce travail tu ne peux pas accomplir tes obligations, min salatin wa ghayriha, fatawakkal ala Allah, c'est Allah qui donne. Ne pense pas qu'en délaissant ce travail, lillah, annaka, tu n'auras plus de risque. Il vient d'où ce problème, hada dha'f. Beaucoup de musulmans, ils sont touchés par hada. Ils travaillent dans le haram, ils n'arrivent pas à délaisser malgré qu'ils savent. On peut citer une autre ibadah, ibadah ma'roufa inda al-jami' al-hijra. Bardanas, ils pensent que s'ils quittent le pays dans lequel il vit, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour rejoindre un pays musulman, qu'un risque va s'arrêter. D'où ça vient cette faiblesse? C'est une faiblesse dans le cœur. C'est pas le corps. On a tous le même corps. On peut tous prendre l'avion, on peut tous voyager, c'est pas un problème. Ceux qui font pas al-hijra, ou qui n'arrivent pas à faire la salat dans leur travail, ou qui travaillent dans un emploi haram, ils n'arrivent pas à le délaisser, c'est pas un problème physique, là. Ben, le Rubama, ils sont plus forts physiquement que beaucoup de ceux qui arrivent à accomplir ses adorations. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le cœur, une faiblesse dans le cœur. L'iman a une faiblesse dans le cœur. On revient au dors. Le risque le plus important, c'est le cœur. Donc, ce cœur, si tu lui donnes hadar risque, c'est quoi? La science, faire des efforts fil ilm, dans l'application, il a akhri, enfin, ce cœur, il va se renforcer. Ce cœur, il va t'aider. Et c'est quoi qui va t'aider à délaisser maintenant ce travail haram? Après l'aide d'Allah Azza wa Jal, bien sûr. C'est ton cœur. Ton cœur, il va yaqwa. Il va être fort et tu vas réussir. Tu vas dire, je le délaisse. Demain matin, je n'y vais plus. Alhamdulillah. Il va rien se passer. Thumma, tatawakkal ala Allah. Tu as trouvé le premier travail. C'est bi'idnillah Azza wa Jal. Qui c'est qui t'a donné ce premier travail? C'est Allah Azza wa Jal. Enfin, si tu délaisses le premier travail, ne t'inquiète pas. Allah, il te donnera un meilleur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplacera par quelque chose de meilleur. هكذا الهجرة. بعض الناس ils pensent que s'ils font l'hijra, خلاص, ils pensent automatiquement comment je vais payer mon loyer si je tombe malade. Comment tu fais في بلاد الكفر? Tu tombes malade, tu te soignes et ton loyer tu le payes. Comment tu manges? Allah سبحانه وتعالى qui te donne les efforts que tu fais في بلاد الكفر. Tu vas dans un pays musulman et tu fais les efforts. Si t'arrives plus, tu es bloqué. فالله سبحانه وتعالى كريم. مثلاً, tu as fait l'hijra, tu tombes malade, tu peux pas te soigner dans un pays musulman. C'est autorisé d'aller في بلاد الكفر. Tu te soignes, tu reviens. أين المانع? Il est où le problème? لكن le problème c'est le premier risque dans le cœur qui est délaissé. Thumma, ça engendre ou ça a pour conséquence beaucoup de faiblesses fi hayat al-mu'min. Que ce soit dans ses ibadat ou sa vie de tous les jours. On a cité l'exemple de la hijra et du travail. من أنفع ما يكون دراسة هذه الأسماء العظيمة. C'est le nom d'Allah سبحانه وتعالى. C'est la chose la plus importante. C'est le risque le plus important. قوله رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح. Le علم le plus important c'est معرفة الله. العقيدة c'est quoi? C'est les six piliers de la foi. Le premier pilier الإيمان بالله. الإيمان بالله c'est quoi? الإيمان بأسمائه وصفاته إلى آخره. C'est ça le ilm le plus important. Wallahi, si on ferait de doros, que fi hada, da'iman, sans négliger les autres, lakin, le plus de monde fi hada, ça serait pas quelque chose de perdu, abadan. Ben, ça serait nafi' jiddan. Ala kulli hal, de temps en temps, on révise, on lit, hatta l'insan, il est qawi fi hada al-bab, et si tu es fort dans ce domaine, dans ce point, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, fabi idn Azza wa Jal, tu seras qawi dans. Tu auras la force pour accomplir les autres choses. Fahada. Tambihun, avant de finir, hada al-kitab qu'on avait cité, walillahi al-asma'ul husna, al-mu'allif il cite comme référence des égarés. Fa al-insan yantabih. Fa la yaqra min hada al-kitab. Hona il a cité un Muhammad Qutb. Et c'est un إخواني الضال لفخار دو سيد قط كذلك إلى سيتي عن سيد قط الضال المنحرف فهذا فلعله تأثر بهؤلاء مع أن أهل العلم إذن منتخي لقعمان دو هذان الرجلان شكتو سيد قط كذلك محمد صنف خير فأفخي سولا سلوي كي كنتينو أبخان دو هؤلاء فصن حالي لبا طيب هذا نستفيد منه أن quand vous achetez un livre ou vous lisez un livre, un tabihou, même si le titre est tayyib, même s'il y a des nukulats, un ibn al-qayyim, ou un sheikh l'islam de taymiya, et comme une nukulat tayyiba, fa l'insan y'en tabih. Si tu connais pas, ihdar. Khasadan celui qui n'a pas d'ilm, qui ne peut pas différencier. Maintenant, hada al-kitab. Fa y'en qu'ul ibn al-qayyim, ibn taymiya, ou ibn rajab, ila agri, thumma, qala al-ustad Muhammad Qutb. ثم جزت أبقى قال السيد قد إلى آخره كلام ربما الجاهل يقتر بهذا طول الليفرس هكذا يبسيتي يسيبوكو من تفسير السيد قد إلى آخره على فان دو ليفر أنت تبالو دير يا فلان سيد قد سامنحرف لماذا لأنه قال كذا كذا كذا ربما يبغى باكسبتي لأنه إلى اللو وبعض الكلام ربما في شيء من الجمال والقوة et il acceptera pas ton kalam. Falihada hdharu. Tu achètes un livre, tu connais l'auteur, tu connais pas l'auteur, utruk. Les ulama as-sunna wallahi alhamd ma min mawdou' il est traité. Ma min mawdou' il est traité. Amma ba'd nuqulat yadhkuruha tayyiba lakin pour le débutant fayahdhar. On voulait lire ism al-rashid lakin thahaba al-waqt. Hadhihi al-asma al-'azima comme ar-razzaq, comme ar-rahman ar-rahim, comme al-hakim. C'est des noms avec un sens très très large. Enfin, on est obligé de ne pas se précipiter, prendre notre temps. Et avec Ba'd al-Asma, ça ira un peu plus vite. L'imada, on a déjà vu al-Ma'ani. On a déjà étudié ensemble les sens ou des noms qui ressemblent. Ou Ba'd al-Asma lam tathbut. Ou des noms, il n'y a pas de dalil. Enfin, ça ira plus vite, Inch'Allah, à la fin. Et on passe à notre deuxième dors, Inch'Allah ta'ala.